salles participantes. Plus d'infos sur boiteapain.com. Bonsoir tout le monde. Hey, l'épisode 12. J'espère que ça va être notre meilleur show depuis l'épisode 1. Bienvenue à tous sur Genix et Climax 80. Vous êtes sur CKRL le 89,1 à Québec. À soir, on a un show où il n'y aura pas tellement de chansons des années 80. Mais c'est pas grave, comme on a déjà dit. Nous, les Genix, je pense que là, on va y aller plutôt dans des chansons où on était tout petit. Anyway, on va avoir Bob Crosby, The Cordettes, on va avoir Diane Dufresne, une habituée de Genix et Climax 80. On va avoir Elvis, puisque le spécial Elvis continue. Bienvenue sur l'épisode 12 de Genix et Climax 80. Donc, Genix et Climax 80, c'est d'abord et avant tout un feuilleton radio. D'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. Le titre du bouquin. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est à soir, les amis. C'est une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Genix et Climax 80 qu'on fasse un petit synopsis, tant qu'à faire. On va y aller aussi sur une chanson excellente. Tu sais, des années 70, parce que ce soir, j'ai aussi heureux que ce matin-là. Le programme, c'est plutôt les chansons des années 70. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, je sais que tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Le son. Et je me souviens. Laisse. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Carrément à désirer. Il y a un siècle. Mais. Et une éternité. C'est pas grave. On ira où tu voudras quand tu voudras. Ça correspond nettement à ce genre de son. Lorsque l'amour sera mort, qu'on pouvait apprécier sur la bande AM, dans les balades en auto de l'époque. L'époque des années 1975. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Précédemment sur Genix et Climax 80. Alors, on a eu droit à cette longue et belle parlotte qui nous a pris les deux premiers épisodes. Ce fut notre préface. Puis, dans les épisodes 3, 4, 5 et 6, on a eu présenté notre Genix, le héros de notre feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré. Il se réveillait chez le chum de sa mère. Il mangeait comme quatre. Et c'était l'année de la Coupe Stanley à Montréal. L'année de Tipat, numéro 35. Puis, Iron Maiden, Twisted Sister, c'était les épisodes 7, 8, qui nous a autorisé cette digression dans l'épisode 7. Digression très à propos. Au sujet de Joe la bouclée de Sainte-Foy. C'était la coiffeuse attitrée de maman. Elle m'emmenait là deux fois par année, trois fois des fois. Puis les épisodes 8, 9, 10 et 11, ça a été une rétrospective. où on a essayé de s'interroger sur ce qui motivait notre héros pour son goût, enfin, pour les choses étranges, les zombies, Iron Maiden, les Twisted Sisters. Pourquoi? L'étrange, le bizarre. Et ça nous a amené dans l'épisode, donc, les épisodes 10 et 11, au référendum de 1980 et à Kiss, au show de Kiss. Derrière, chez Tigui Lacombe, là-bas, à Saint-David Beach. Et donc, de là, on est arrivé à Elvis, the king of rock and roll. Thank you very much. Et c'est là qu'on était rendu. Donc, bienvenue tout le monde à ce 12e épisode de Gen X et Climax 80, avec Lana aussi, régisseuse. Bonsoir Lana. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon. Toi? Ça va, ça va. Et ça va super, en fait. Depuis que Gen X et Climax 80 caracole, et même pas besoin de charger l'électricité de la trottinette, ça caracole. Alors, voilà. Ça va bien. Et ça va tellement que je suis prêt. Si tu es d'accord. Oui. À dis-le. Envoyer la séquence 1, qui était, comme on l'a dit, la séquence ultime du dernier épisode, donc le 11e épisode, donc la dernière séquence. Parce qu'on a décidé de garder le mot séquence finalement. Oui. Ouais. Dans le dernier épisode, on s'interrogeait à savoir si on allait appeler ça des fragments, etc. Pour essayer de structurer l'histoire, mais finalement, on a décidé de garder ça. Ça sera des séquences et ça sera donc des épisodes et des séquences. Je trouve que sinon, c'est trop complexe. C'est trop compliqué d'essayer de changer de mot comme ça. Chapitre. Des chapitres, mais des épisodes, chapitres. Voilà, ou des chapitres, mais nous on a dit des épisodes, donc voilà. Alors, on est prêt à aller à la séquence 1, qui s'appelle août 1977, et c'est à la page 113. Je me rappellerai toujours de cet après-midi fatidique d'août 1977. Il faisait très chaud, très humide. Le ciel était menaçant et gris comme du plomb. Je jouais tranquillement avec mon frère à côté de la balançoire au fond de la cour. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi quand mon père était sorti et m'avait appelé pour me dire que Elvis, le King, était mort. Boum. J'avais 6 ans. Je ne savais pas exactement tout ce que cela pouvait vraiment impliquer d'être mort. Je croyais que peut-être mon père avait dit ça pour me charrier. Mais si c'était sérieux, je savais que, enfin, c'était très grave. Très, très grave. Il n'y avait peut-être même aucun échappatoire et rien qui ne fût plus grave dans la vie que la mort. Ouais. Très embêtant, la mort. Du moins, pour les vivants. Puis, un peu plus tard, je me rappelle que le ciel s'était obscurci d'un coup. On s'était retrouvé plongé dans une obscurité spectrale. Un orage d'été avait soudainement éclaté juste au-dessus des galeries Chagnon, alors que nous guettions la sortie de ma mère, qui venait de commencer à travailler comme caissière chez Dominion. Toutes les chansons d'Elvis jouaient en boucle à la radio sur toutes les chaînes, et le ciel pleurait sur les vitres de la Buick décapotable bleu nuit de mon père. The king had left the building once and for all. I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking with the rain in my shoes, searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain. Showed your photograph to some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? As we drove on through the rain, as he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain. Kentucky rain. C'était chanté par the king of rock and roll, Elvis Presley. Yeah, thank you very much. Alors, on va faire une petite présentation de Genix et Climax 80 pour les nouveaux venus, pour ceux qui connaissent pas l'émission ou ceux qui se joindraient à nous nouvellement. Il y a toujours des nouveaux venus, n'est-ce pas? Enfin. Alors, un petit synopsis de Genix et Climax. C'est qu'au milieu des années 80, dans la ville de Québec, on parle des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Et nous, ici, avec vous, sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec, on le cherche aussi, cet exutoire. Tout comme notre héros, le Genix, le cherchait, lui aussi, à l'époque. De ses chroniques romano-poétiques, enfin, romanesco-poétiques ou poético-romanesques, comme vous voudrez. On n'en a rien à foutre. Acapulco. On part dès ce soir. Voilà l'exutoire. Diane, chante-nous donc ça. Quand je regarde le pion, j'ai le cœur qui me tombe dans les talons. C'est comme le mal de mer. Ça met tout à l'envers à y partir. Comme les petits oiseaux. La sensation d'avoir les pieds sur terre. Te quiero mucho. Retourner près de toi. Ay, ay, ay, ay, ay. Voir le soleil qui se couche au pied des lacs. T'entendre dire c'est mon te quiero mucho. Et retrouver sur ta bouche un goût de tequila. C'est comme le mal de mer. Ça met tout à l'envers à y partir. Comme les petits oiseaux. Oh, oh, oh. Quand vient l'hiver, m'en aller mon chaud. Oh, oh, oh. Et m'en aller pour de bon. Là où on n'a plus la sensation d'avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu fais sans moi? Acapulco. Pendant que je vais lire. Oh, dis-moi, c'est mauvais. Je sais que ça voulait dire je t'aime, mais je le savais pas. Quand je pense à toi, j'ai chaud, le dit dans mon poncho. Mais seras-tu encore le même quand on se verra? Penses-tu encore à moi? Acapulco. Bravo Diane. Diane Dufresne. Avec son hit des années 70. Acapulco. Acapulco, à l'époque, c'était quand même une destination. Aujourd'hui, c'est plutôt une incitation au suicide. Mais il paraît qu'Acapulco, c'est très dangereux. Faut pas aller. Enfin, à moins qu'on ait le goût du risque. On a le goût de... du risque, quoi. Et donc... on va y aller avec la séquence 2. Ça s'intitule J'avais 4 ans. Ainsi, ce genre de communion qui caractérisait ces séances musicales débouchait parfois sur des transes véritables. Cela correspondait sûrement à l'origine à ce plaisir de découvrir et d'explorer sa voix ainsi que son corps dans l'espace, de pouvoir le redéfinir par le rythme ou

God speed love to Thank you very much. Séquence 4. La jeune femme, page 116. Mais pour ce qui nous concerne ici, revenons à la jeune femme, qui était plutôt indéfiniment blonde. Elle regardait le monde avec ses magnifiques yeux d'un vert changeant et brillant d'espoir. Elle avait fait manger ses deux louveteaux d'un petit souper léger, comme toujours, lorsque papa travaillait tard, jusqu'à 23 heures. La cuisine, c'était pas son truc à l'époque. Alors, on se retrouvait très tôt en tout petit comité, juste ma mère et moi, et Betsy, notre grande chienne Doberman, la brune. Puisque mon frangin, il s'endormait toujours à l'heure des poules, après notre frugal repas, qui, la plupart du temps, se composait d'abord d'un bol de Rice Krispies. Les céréales du matin qui faisaient cric, crac et croc. Il suffisait simplement de pencher l'oreille vers son bol pour les entendre. Cric, crac et croc. Putain, la pub disait donc vrai. Cric, crac et croc. Et c'était chaque fois la même sidération, le même mystère pour moi. T'avais qu'à ajouter du lait pour les appeler, les trois petits lutins sur la boîte. Simultanément, on s'envoyait aussi de derrière la cravate quelques toasts au beurre dans la poêle avec, peut-être parfois, une pomme dans le caramel comme heureux dessert. Ou encore des crêpes, Aunt Jemima, au sirop d'érable. Alors là, c'était carrément la fête. Annie Cooney, de Madeleine Chartrain. On te salue, Madeleine. Salut, Manoir. J'espère que tu nous écoutes de Zurich. Nous, on se souvient de toi, en tout cas. Annie Cooney, salut, Mado. Yeah. Annie Cooney. Un gros hit de notre extrême jeunesse, Gen X. Je me souviens, à la maternelle, on chantait ça. Et c'était ma bonne amie Madeleine Chartrand que j'ai rencontrée à Zurich. Ça, c'est une autre histoire, mais Madeleine, c'est la fille de Michel Chartrand et de Simone Monet, qui sont deux géants canadiens-français. Et donc, ils n'ont pas manqué leur coup avec Madeleine. Madeleine, elle nous a pondu Annie Cooney. Salut Madeleine, j'espère que tu nous écoutes à Zurich, parce que vous savez que vous pouvez écouter Gen X et Climax 80 où que vous soyez dans le monde français ou ailleurs. Il vous suffit de aller sur le site de CKRL 89.1, CKRL Radio. Il vous suffit d'aller sur le site et d'aller dans le menu programmation, puis vendredi, et vous allez trouver l'émission Gen X et Climax 80 au-dessus de la liste, vous cliquez dessus et vous aurez les podcasts, c'est-à-dire les balado-diffusions du show Gen X et Climax 80. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Vous pouvez l'écouter dans la voiture, vous pouvez l'écouter dans votre bain, vous pouvez l'écouter pour dormir, pour les insomniaques, ou à votre travail. Où que vous voudrez, vous pourrez écouter votre feuilleton radio préféré, Gen X et Climax 80. Alors, on peut dès lors... Et même dans le taxi, non? Même dans le taxi. Mais oui. Salut, et d'ailleurs, Jean. Salut Jean. On te dédie... J'espère que tu nous écoutes encore. Alors, on va te dédier le prochain segment à toi et à tes clients, qui, j'espère, passe une belle ride avec toi, Jean. Parce que t'es un hostie de bon taxi et on te félicite. Et alors, on va pouvoir aller à la prochaine séquence, qui est la séquence 5, je crois. Ou 4, ou 5. Enfin, on a perdu le compte. Et ça s'appelle Et hop! Page 116. Et hop, on était parés pour un bon bain pour les petits frères. Déjà, de suite après ça, Paolo, mon frérot, tomberait HS. Moi, j'aidais maman à le coucher, tout doucement, dans son petit lit aux barreaux bleus. J'adorais aider maman à coucher mon petit frère. Je me sentais grand et utile à notre confort. Ensuite, toute la soirée de télévision serait à nous. Elle se préparait un bon thé vert, sans sucre et sans lait, tout comme le café. Puis, elle allumerait une excellente cigarette, ultra longue. Une Peter Jackson. Et c'est là qu'on se retrouverait vraiment en business. Personne n'allait déranger notre bonheur tranquille. Pas avant que je ne m'endorme, en tout cas. Mr. Sandman, bring me a dream. On écoute The Cordettes. The Cordettes, c'était très populaire des années 70. Je me souviens des balades en auto. Ça jouait régulièrement. Vous écoutez The Cordettes sur CKRL Radio, le 89.1, la radio, la nuit, à Québec. to Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him the word that I'm not a rover, then tell him that his lonesome nights are over, Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own, please turn on your magic beam. Mr. Sandman, yes, bring us a dream, give him a pair of eyes with a come hither gleam, give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old, so please turn on your magic beam. Bravo, The Cordettes. Bravo, les filles. Alors, on va y aller avec un petit extrait, une petite séquence, toute petite, qui va être suivie d'une excellente chanson de Bob Crosby and the Bobcats. Et on va la dédier à notre fils, Léon. Léon, si tu nous écoutes, retourne te coucher. Il est tard. On se voit bientôt. Alors, séquence 7, page 116. On s'installait alors par terre, dans une presque pénombre, à un mètre de l'écran couleur, douce émanation de notre appartenance effective à la classe privilégiée. Je me blottissais entre ses jambes, mon dos tout contre son ventre chaud. I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. How it goes. I've got a dream house. I'll build there one day with picket fence and rambling rows. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. Like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. In my hometown, those dear hearts and gentle people who live in my. Alors, allons-y encore avec une excellente chanson des années de Maman Isola. Maman Isola, c'était ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Et elle aimait la grande musique. la musique à grand déploiement. On te salue, Maman Isola, qui a, en ce moment, 100 ans, et on dédie cette chanson donc à Maman Isola et à ma tante Lucille, qui sait s'occuper de sa maman, comme tout le monde devrait s'occuper de ses parents. Un jour, à un moment donné, ça arrive. En tout cas, on le dédie à tous les grands-mères, à toutes les grands-mères. Et voilà. It's been a long time. Sur CKRL, le 89.1 à Québec. Never thought that you would be standing here so close to me. There's so much I feel that I should say, but words can wait until some other day. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dream about you, or just how empty they all seem without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Québec, ça fit beaucoup avec ce genre de musique. La grande musique qu'on est habitué quand même, si on regarde un peu en arrière, à une certaine ambition, je pense, dans cette ville. Et donc, on va dédier la prochaine séquence à tous les à côté de la ville de Québec. Et mais d'abord, on va quand même aller une courte pause publicitaire. Pas encore. Bientôt. Pas encore. Mais ça sera pas encore. C'est ce que Lana nous dit. C'était la régisseuse. Je pense que t'as du temps pour faire une petite lecture aussi. Ah, ouais. D'accord. Alors, allons-y donc. Allons avec la séquence 6, dédiée à tous les à côté de la ville. Page 117. Ma tête appuyée entre ses petits seins, ensemble, on vibrerait à l'unisson avec le reste de la province de Québec, au rythme des thématiques que les producteurs des téléromans populaires nous proposeraient. On alternerait entre Télécapital et Radio-Canada, les bergers, grand-papa, la petite patrie, ou alors des trucs encore plus légers, du genre symphorien. Attention,

des histoires romantiques théâtrales du genre de La Dame aux Camélias, où l'on pouvait suivre les déboires de Dandy à col, courir et se battre pour des créatures écervelées à dentelles et poitrinaires. Je n'aurais su dire ce que je préférais. Je prenais ça exactement comme ça venait. Cette terre-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour, des cœurs adolescents? Yeux mi-clos, je la revois. J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non jamais, son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain. Michel Louvain, le regretté, avec un certain sourire. Allons-y donc avec la séquence 7 de l'épisode 12 de Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1. Page 117. Toujours est-il que, pour ce soir-là, un film s'apprêtait à commencer. Un film en technicolor, avec le lion de la métro à l'ouverture. Ça débutait sur le titre « On ne peut plus rythmer latino-rock, viva Las Vegas ». La séquence filmée de nuit, en hélico, découvrait la capitale mondiale du péché avec ses myriades de néons de toutes les couleurs. I'm just a devil with no despair. So, viva Las hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is one heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your booty on flashing and the one-off band is crashing and almost falls down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. Remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot some of every shot. Viva Las Vegas. Cette production datait d'à peine 10 ans ce soir-là, quand je vis défiler pour la première fois le générique doré clinquant qui rendait ces premières minutes du film absolument dynamiques. Moi, j'étais fasciné. Surtout par l'enthousiasme avec laquelle maman battait la cadence de la chanson dès le début du film. Cela augmentait ma curiosité vis-à-vis de cette histoire qui m'allait être racontée, regorgeant de lumière et de musique. De jolies femmes en maillot aux couleurs criardes et de tout un tas de voitures de course vrombissantes. On va écouter Patsy Cline avec sa super chanson Crazy. Crazy. I'm crazy for feeling le 89.1, la radio, votre radio, I'm crazy à Québec. Crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? What in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Ça donne le goût. Ça donne le goût. Patsy Cline, Crazy. On va pouvoir, je pense, aller à une autre chanson qu'on va dédier à des amis. Et aux amis de leurs amis. Et donc, c'est une chanson désolée. On va la dédier à Sylvain Plame sur la rue Saint-Jean. On va la dédier aussi aux amis qui vont éventuellement venir demain à la librairie Saint-Jean-Baptiste. On va en reparler plus tard. Miss Dizzy Lizzy, The Beatles. Dizzy Miss Lizzy, The Beatles. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les années 80, mais c'est qu'on est dans une rétrospective, les amis. Et donc, on s'adresse aux Gen X et à leur extrême jeunesse, si je puis dire, sinon à leur enfance. Dizzy Miss Lizzy. Voilà. Trois petits mots qui résument une époque qui pourrait être la nôtre. Parce qu'on se sent un petit peu comme la Miss. On se sent un peu Dizzy et Lizzy. Mais c'est pas grave parce que on a ici à CKRL Radio, le 89.1, des moyens pour focusser. On focus vers un espoir possible, un futur qui serait plus ou moins malléable. Et on se concentre pour que ça aille bien. Voilà. La boucle est bouclée. Et on peut désormais passer à la séquence 10 qui s'intitule « Quelques mots » et c'est à la page 18. Quelques mots seulement sur le film projeté. Alors Lucky et Rusty sont amoureux l'un de l'autre. Le coup de foudre. Apparemment. Lucky est un jeune pilote de course automobile talentueux, mais juste un peu à court de monnaie. Il est venu à Vegas pour tenter de participer au premier Grand Prix organisé par la ville. Le hic, c'est que le héros doit souffrir un boulot de larbin dans un hôtel afin de pouvoir ramasser assez de pognon pour s'offrir un nouveau moteur plus performant. Et ainsi, éventuellement, remporter la prestigieuse course. Sometimes I wonder why I spend the lonely night. Il est 1h15 à Québec et le temps est clair, idéal pour écouter Genix et Climax 80, les amis. On vous souhaite le meilleur avec Frankie et sa chanson Stardust. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est bon en hostie. But that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. And beside a garden wall, when the stars were bright, you were in my arms, the night told its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's Sinatra and Stardust. Séquence 10. Ça s'intitule Comble de malchance. Et c'est à la page 118. Juste pour vous dire qu'on est déjà passé la moitié du premier volume de Genix et Climax 80. Une œuvre exclusive qui est dite par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis à minuit. Genix et Climax 80, ça se passe au milieu des années 80 dans la ville de Québec. C'est au sujet des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans, notre Genix, qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Et on y va donc avec la séquence 10. Comble de malchance. Page 118. Toutefois, comble de malchance, alors qu'il touchait au but, vers le milieu du film, Rusty perd tout son blé dans la piscine. suite un duel extensif au soleil. Duel tout en musique. Duel qui, rapidement, tourne au chassé-croisé amoureux avec la jolie Rusty. Jouée par Anne Margaret. Superbe blonde, vénitienne, au bikini, jaune et aux douces jambes nues. Toujours à minauder, à faire des chichis pour rien. Elle marchait à tout petit pas, je la trouvais trop jolie. On aurait dit un paquet cadeau. Cela ne pouvait que me plaire. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love. I'm a loser from the Beatles. Vous écoutez CKRL, le 89.1, à Québec City. My friend, I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Yeah, I'm a loser from the Beatles. C'était un extrait de Beatles Sixth. Donc, juste avant la pub, on se demande si on va aller à un extrait, le dernier de cette soirée. Je crois que oui. Nous allons dès lors passer à l'extrait 12, qui sera donc le dernier extrait de cette soirée Genix et Climax 80. Mais ne vous inquiétez pas les amis, il est 1h24 et on est ensemble jusqu'à 2h du matin. Alors on a de la marge, mais on va aller avec notre dernière séquence de la soirée, parce que je pense que ça constitue quand même la fin d'un chapitre. Et la semaine prochaine, donc, on pourra aller plus avant avec ce chapitre. Alors, extrait 12, séquence 12 plutôt, page 119. Si on avait su. Ah, si on avait su, depuis, que ce film, Viva Las Vegas, le rock and roll et Elvis lui-même constituaient, à n'en pas douter, le fer de lance de toute la panoplie des armes psychologiques de la CIA. Ouais, dirigé à bout portant

Si on avait su, depuis, que ce film, Viva Las Vegas, le rock and roll et Elvis lui-même constituaient, à n'en pas douter, le fer de lance de toute la panoplie des armes psychologiques de la CIA. Dirigé à bout portant contre la population occidentale. Cela devait, avec le temps, corrompre les mœurs de la jeunesse du bloc de l'Est, donc. Mais, à long terme, l'objectif était sûrement de saper complètement la base de nos sociétés de l'Ouest. D'ailleurs, le président Ike Eisenhower. Et regarde bien ce que je te dis là, mec. Puis tu feras tes propres recherches. Même John F. Kennedy, après Ike, eh ben, ils appelaient déjà ça, dès la fin des années 50, le complexe militaro-industriel, mec. C'est pas du complotisme. Ah ouais? Eh ben, dis donc. Ben alors, si je comprends bien, tu veux dire qu'Elvis Presley, à partir de son incorporation dans l'armée en 58, sans le savoir, eh ben, il aurait été l'arme secrète et ultime de la guerre froide? Bon, il est vrai que le rock and roll avait généré une onde de choc bien plus puissante et dangereuse pour les soviétiques que tout l'arsenal de l'OTAN pointé sur Moscou. L'arme, en revanche, le rock and roll, aurait été, selon certains, à double tranchant. Allez-y savoir. Chico, you better start looking for somebody else. I don't think I'm going to be able to make it tonight anymore. Up to you, Daniel. No complaints from this end. You do your work good. Yeah, well, the old man came home with a job today. We made kind of a deal. I mean, he goes to work and I go to school. You know how it is. Not really. I got an old man. Just give him a jug of wine. He's happy. Danny. What's the matter, Trouble? No, we're going to divvy up in the alley later. Vous écoutez Trouble, the Elvis Presley. What I tell you, huh? C'est sur CKRL Radio. Well, hello, Mr. Fields. Le 89.1. La radio. Hello there. La nuit. Could I get by, please? À Québec. Don't you, you? That's Maxie Fields. That's your boss. Are you crazy? Hey, Mr. Fields, how about that, huh? Who's this guy, Ryan? The king of Yugoslavia. How should I know? Take your hand off my arm, Mr. Fields. How come you're so friendly with the lady, boy? Well, we met in Paris last year. The king of France introduced us. You're a pretty fresh boy, aren't you? Mr. Fields, how about that job? I mean, when are you going to put me on that payroll? Yeah, I'll let you know, Shark. Thanks a lot, Mr. Fields. Thank you. Hiya, Maxie. Hiya, kid. How you feeling? Same as usual? What's the matter with you? You looking for an early grave? He's your boss. Him you don't fool with. Well, why not? I'm the king of Yugoslavia. No, he is. He's the king of everything. And he even owns the air you're breathing. Only in here. Out there too, Danny. He can shut off real quick. C'est une scène extraite du film King Creole. That is a busboy. Look at you. Busboy. Qui est sorti sur les écrans en 1957. Maxie, you're hurting me. I don't know what you're talking about. You know the kid. Don't lie to me. I break every finger you got. Maxie, stop it, please. I heard him sing a song, that's all. Ça, c'est une scène qui traite de violence conjugale. He sang here once for your big shot friends. Told him he had a nice voice. That was all, huh? That's all. Hey, you, kid. Come here. Yeah, you, bus boy. Come on over here. Lady tells me you sing, that right? Well, I... You better be right, because if it ain't, then the lady is lying. Walter Matthau s'adresse à Elvis. Just want to make sure she was telling the truth, that's all. Et il veut être sûr qu'il sait chanter. Just a minute. Alors, il lui intime l'ordre de monter sur le comptoir et de chanter une bonne tune. Go on up there and sing a song for me. Now? Yeah, now. Right now. And you better be a singer. Right fucking now. Ladies and gentlemen, we have a little surprise for you. There's a great new singer here tonight, the busboy. No, no, no. level. A very good friend of Mr. Fields says this guy can really go. So let's all get together and give a real good listen to... What's your name, kid? Caruso. Caruso, the bus boy. Come on. La chanson est dédiée à tous les petits baveux qui cherchent l'embrouille à des heures pas possibles. You came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eye. Hold on, you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it. You mess around with me. Sing it, kid. I just got a dirty mind, that's all. Sorry, kid. Yeah. Crazy, Daddy, crazy! Congratulations. That was a great song. My coat, kid. I sure will. That was swell. My name's LeGrand. You want to stop being a busboy? I just stop. I'd like to talk to you. I own the King Creole down the street. Well, good for you. Yeah, it's a dying swan, but I figure maybe we can put you over and bring the swan back to life. You interested? Hello, Charlie. Hello, Rat. What's the matter, kid? Can't you stand the whiskey down at your joint? Well, I always like to see what the competition is doing. I was going to offer the kid here a little job myself. Right on. C'était un extrait du film King Creole. Allons-y donc avec une douzième séquence. Je devais être sur le point de m'endormir lorsque la chanson « Come on everybody » a commencé. Quelque chose s'est alors produit en moi. Aujourd'hui, je sais, du moins, je crois savoir qu'il s'agissait comme d'un genre d'éclair du destin. Anne Margaret, Rusty, collant noir et petit pull rouge, très branché 60s, elle s'est soudain mise à se déhancher comme une tarée. Ainsi qu'elle roulait les yeux comme une possédée vers Lucky, the King. L'audience, une cinquantaine de personnes, tous des couples de jeunes étudiants, a commencé à taper des mains, puis ils se sont mis à s'exciter également comme de beaux diables dans l'eau bénite. And I was born to rock. Come on, everybody, and turn your head to the left. Come on, everybody, and turn your head to the right.

Vas-y, ma belle Nicole. Nicole Martin et son titre phare des années 60, 75, 76, je pense. Laisse-moi partir. Vraiment une super chanson qui vient de nous, les amis. Je tiens encore à nous rappeler que cette chanson excellente, eh bien, c'est notre peuple, ça vient de nous, les Canadiens français, les gens du Québec, mais il y a pas des francophones juste au Québec, il y en a aussi dans le reste du Canada et dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc voilà, donc bravo à nous pour Nicole Martin. On va pouvoir enchaîner avec d'autres chansons. On est ensemble jusqu'à 2h du matin, les amis. Il est 1h48. On a encore du temps. Et donc, on va dédier la prochaine chanson. C'est une chanson aussi des années 70, la fin des années 70, d'un autre groupe canadien excellent, qu'on a déjà joué sur Genix et Climax 80 dans des épisodes précédents. Et on va la dédier cette fois aux amis de la rue Saint-Jean à Plam. On lui a déjà dédié une chanson, mais c'est pas grave. Les chums, c'est les chums. Et on s'était dit, c'est Limelight. C'est pour toi, Sylvain. Limelight, The Rush. Yes. Bon. Alors, c'est ce qui clôt notre épisode 12 de Genix et Climax 80. J'espère que ça vous a amusé et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. On va mettre encore une excellente chanson de Kiss parce qu'on est encore dans le trip de Kiss. On va mettre un petit bout. Sure Know Something. On veut rappeler aux gens que c'est en fait en ce moment le temps d'élire un nouveau maire à Québec. Et faut s'intéresser à cette chose municipale, les amis, dans une belle ville comme Québec. C'est sûr. Je le sais. C'est tout pour aujourd'hui. Puis, Lana, ça t'a plu? Yes. Oui? Même si... Même si on t'entend pas. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Pour Genix et Climax 80. Épisode 12. La semaine prochaine... On va clore la rétrospective et on va pouvoir revenir aux années 80. Donc, j'espère que ça vous a amusé, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit sur CKRM, le 89.1, votre radio, la nuit à Québec City. Bonne nuit, tout le monde. Nous autres, on s'en va au quartier de lune. Prendre un verre. Fait que on va aller faire une petite chanson de karaoké avec notre ami Stéphane Morin, qui est un excellent karaoké-man. C'est le meilleur à Québec. En tout cas, on se donne rendez-vous au quartier de lune. C'est tout de suite. Salut les amis, bonne nuit. À la semaine prochaine sur Genix et Climax 80.